Bonjour à toutes et à tous, ici Lia. Je suis ravie de partager avec vous ces prochaines minutes bonheur. Tous les mardis à 8h et 13h30. Le temps et la période s'y prêtent, aujourd'hui on s'émerveille. S'émerveiller, une solution pour être heureux? Savez-vous que s'émerveiller est bon pour l'esprit, mais aussi pour la santé, et que cela nous permettrait de vivre plus longtemps? C'est le doux moment pour laisser notre enfant intérieur s'exprimer, refaire surface. Quand vous êtes-vous senti émerveillé pour la dernière fois? Alors que les enfants expérimentent ce sentiment de façon régulière, il semblerait que ce soit bien plus rare chez l'adulte, étant donné sa focalisation sur ses responsabilités au jour le jour. Et pourtant, des recherches récentes en philosophie montrent que l'émerveillement est tout aussi important pour les adultes. Les chercheurs définissent l'émerveillement comme le sentiment que nous expérimentons en présence de quelque chose de plus grand que nous, qui remet en question notre manière habituelle de voir le monde. Un tableau de maître, un chef-d'œuvre musical, un panorama à couper le souffle, un discours émouvant ou encore les premières fleurs du printemps. Au centre de cette expérience éblouissante se situe un sentiment de petitesse, non pas associé à la honte, mais plutôt au sentiment d'interconnexion avec autrui et d'élargissement de notre vision. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ponctuent leur phrase de « maintenant je suis cool, zen » ou « ma devise c'est carpe diem », c'est positif et donc c'est un bon ancrage, mais si c'est possible, avançons un peu plus et répondons en toute sincérité à ces questions. Prenons-nous du temps pour retrouver des plaisirs simples. S'autorise-t-on à vivre des moments avec notre sensorialité, c'est-à-dire en utilisant nos cinq sens? Jouons-nous en ressentant du plaisir avec nos enfants? Parvenons-nous à créer des moments de fête, de joie, de plaisir et avec pas grand-chose grâce à notre imagination? Laissons-nous parler cette créativité. S'émerveiller, les enfants sont extraordinairement doués pour cette capacité. Les regarder s'extasier ou rire à la moindre occasion est un pur délice, mais peut aussi nous procurer un brin de nostalgie, car en grandissant, nous devenons souvent aveugles aux merveilles de la vie et pourtant, échanger un sourire, savourer le temps passé avec les êtres aimés, contempler un paysage, écouter le chant des oiseaux, déguster un bon plat, les occasions au quotidien sont nombreuses. Le philosophe et théologien Bertrand Vergely, auteur de « Retour à l'émerveillement », nous déculpabilise et nous explique que l'émerveillement de l'adulte diffère de celui de l'enfant. Arrivé à un certain âge, l'insouciance est souvent derrière nous et la réalité, parfois difficile, face à nous. La capacité d'émerveillement est alors une quête. Il faut avoir lutté contre soi pour parvenir à cet émerveillement-là. Il faut avoir surmonté la lassitude, la révolte, et donc les avoir rencontrés, précise-t-il. Une fois cette capacité retrouvée alors, un miracle s'opère. La vie se met à parler, comme pour les enfants, avec la même magie. Une magie toutefois enrichie par l'expérience de la vie. Pour l'auteur, rien n'est plus important. On peut être riche si l'on ne sait pas s'émerveiller. On est pauvre. On passe à côté de l'essentiel, on moque la beauté du monde, la richesse des êtres humains, la profondeur de l'existence. Pour lui, la vie est un miracle. Nous devrions être conscients de l'extraordinaire fait de vivre. Le mot « émerveillement » vient du terme « mirabilia », l'union du mot « miracle » et du verbe « admirer » rappelle l'auteur. Or, selon lui, quand on prend le temps du regard et de l'admiration, on soigne son âme avant de libérer une véritable générosité. S'émerveiller, c'est décider d'arrêter d'être inquiet et jouir de ce qui vient avec gratitude. Facile à dire, mais comment faire? Cela reste un mystère. Édouard de Perrault, également spécialiste en neurosciences, suggère une clé. À force d'intelligence, on peut perdre de vue son esprit. S'émerveiller, c'est accepter de ne pas tout comprendre. Et laisser les choses s'éclairer plutôt que vouloir les expliquer. Le philosophe et le psychiatre s'accordent sur un autre point majeur. L'épreuve, la difficulté, l'angoisse, ce sont elles qui nous privent de notre capacité d'émerveillement, mais ce sont elles qui nous y ramènent aussi. L'émerveillement adulte est une expérience au cœur du cœur de l'humanité, poursuit Bertrand Vergely. C'est le plein derrière le vide, mais encore faut-il accepter de passer par le vide ? Les grands émerveillés sont des vivants formidables et font des indignés magnifiques. Pourfendeur de l'injustice, rien à voir avec la naïveté, l'ingénuité, voire l'ignorance ou la niaiserie. S'émerveiller de la beauté de notre planète, de la vie, de tout ce qu'elle nous offre, de la nature, d'une fleur qui s'ouvre, d'un papillon coloré, d'une abeille butinant, d'un oiseau créant son nid. La simplicité de la vie, les bases ou les fondements, est riche, extrêmement riche. Redécouvrir ce que nous sommes, ce dont nous faisons partie, la vie, la planète, notre environnement, c'est recréer un lien que nous avons, quoi qu'il se passe, mais d'un lien qui parfois s'étire tellement que nous avons oublié que nous sommes ce tout, que nous sommes de la même énergie de base. Simplement sous une manifestation autre. Il n'est pas nécessaire ou souhaitable de ressentir cet émerveillement à tout bout de champ, mais la plupart d'entre nous pourraient bien l'utiliser un peu plus dans leur vie quotidienne. En voici quelques clés. Coucher sur le papier une expérience personnelle d'émerveillement. Le simple fait d'écrire peut être très puissant. La narration détaillée implique une réflexion sur une expérience personnelle et permet de revivre en détail les sentiments vécus à l'époque. Cette pratique peut être particulièrement utile et vous soustraire à un certain marasme lorsque la routine quotidienne commence à peser. Partez pour une marche émerveillante. Voyager peut être une grande source d'émerveillement, mais une source d'émerveillement peut également se trouver près de chez vous. Choisissez un cadre susceptible de vous subjuguer. Un cadre naturel avec une allée bordée d'arbres, urbain au sommet d'un immeuble, intérieur avec les tableaux d'un musée. L'émerveillement est une expérience qui ne dépend pas tant de l'environnement dans lequel vous êtes, mais bien du regard que vous y posez. L'étude de Paul Piff de l'Université de Californie à Berkeley conforte cette pratique qui engendre une augmentation du sentiment d'humilité et de souci des autres. Il est possible de s'émerveiller par la relaxation, la visualisation, la pensée positive, se reconnecter à nos cinq sens et aussi à notre sixième sens, notre intuition. Reconnectons-nous à notre capacité à nous émerveiller, notre créativité, notre joie intérieure, notre enfant intérieur. Retrouvez le goût des choses simples pour cultiver le bonheur. Et si vous décidiez de prendre le temps d'être heureux, maintenant? Je vous laisse aujourd'hui pour ces quelques minutes bonheur. Je compte sur vous tout au long de cette journée et toutes les suivantes pour vous émerveiller. Je vous embrasse bien fort. À mardi prochain.